Tu t'achètes une paire de scie, tu sais pas si c'est la bonne couleur. Il y a des gens qui sont pas capables d'acheter une paire de scie sans la ramener trois fois. Ben oui, mais l'insécurité, c'est le produit de ça. L'insécurité, c'est le produit éventuel d'une trop grande quantité d'écho dans le cerveau. Quand c'est la même chose, comment veux-tu être insécure? C'est ça que les gens sont insécures, parce qu'il y a trop de ça. C'est ça de l'insécurité. C'est la super excitation de l'écho dans ton cerveau. Il y en a trop. Puis quand t'es rendu que tu n'as tant que ça de l'écho dans ton cerveau à en être insécure, mais ça prend des années. Ça prend des années pour en ressortir après. Le mal est profond. Le mal est profond. Rationaliser, c'est très mauvais pour l'homme. C'est créer de l'écho. C'est s'entretenir avec l'astral rationalisé. Invertissez-la votre rationalisation un jour. Au lieu de rationaliser comme si vous étiez inconscient, rationalisez comme si vous parliez avec quelqu'un. Vous allez voir les conneries qui vont sortir. C'est extraordinaire. L'homme n'a pas besoin de rationaliser. L'homme peut savoir instantanément. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'écho. Puis pourquoi est-ce qu'on était habitué à rationaliser? Parce qu'on n'a pas été éduqué. On était truqué. Pas été éduqué. Pendant des siècles, puis des siècles, tu vas toujours qu'aujourd'hui, je reste plus grand. C'est la pire des mauvaises habitudes de l'homme de rationaliser. La pire. La pire. C'est constamment perte d'énergie à décortiquer. Constamment. T'en perds, puis t'en perds, puis t'en perds, puis t'en perds, puis t'en perds. C'est une nouvelle façon de vivre, d'en arriver à plus rationaliser. C'est une nouvelle façon de vivre. Puis, c'est pas facile. T'assènes l'attention, on dirait que c'est tout le temps là. On dirait que, oups, t'es juste sur le bord, puis tu te reprends. Oups, t'es juste sur le bord, puis tu te reprends. Tu réalises. Puis éventuellement, bon, tu réalises tellement, là, tu rationalises plus tard. On prend un petit café? Alors, si vous me donnez la parole, je vais continuer. Dans la deuxième section, je veux expliquer ce qui se produit chez l'homme lorsque ses échos sont éliminés de son cerveau. L'homme est un être qui, de nature, est chaleureux. L'homme est un être qui, de nature, est chaleureux. L'homme, c'est un être qui aime communiquer, qui aime parler, qui aime s'amuser, qui aime... L'homme, c'est un être qui a un certain entre-gens naturel. Listen to this one. Et lorsque l'écho est retiré du cerveau humain, de la caverne, l'homme commence à perdre de sa chaleur humaine. Il commence à perdre de sa chaleur humaine parce qu'il commence à perdre l'émotion dans son esprit. Il commence à perdre l'émotion qui a engendré dans sa caverne à écho toutes ces échos-là qui lui ont donné, avec les années, sa personnalité humaine. Et comme l'homme va vers, ou comme l'homme est un être évolutif, comme l'homme passe d'un stage d'évolution à un autre, comme l'homme passe d'un stage de construction intérieure à un autre, éventuellement, naturellement, il est obligé de perdre ce qui antérieurement a constitué une certaine personnalité, pour développer une autre personnalité. Mais l'homme n'a pas le pouvoir de se donner une autre personnalité. Pour qu'un homme ait une autre personnalité, autrement dit une personnalité réelle, il faut que l'écho dans son cerveau soit éliminé. Et quand cet écho dans son cerveau est éliminé, il se produit un vide mental. Un vide mental qui est plein d'une énergie, mais qui n'est pas plein de l'écho. Et cette énergie-là tue en lui ce qui est humain pour l'habituer petit à petit au cours des années qui viennent. Ça, ce que je vous explique, ça n'arrivera pas à tout le monde. Mais il y aura des âmes qui vivront ceci à un degré plus poussé, si vous voulez, que d'autres. Et lorsque ces échos intérieurs-là disparaissent, il faut que le vide mental, qui est le résultat de la disparition des échos, soit rempli par quelque chose d'autre. Au début, le vide mental, il est rempli simplement par une énergie. Et dans cette énergie, ou cette énergie, n'est pas le produit de l'astral. Cette énergie vient d'un autre plan. Et cette énergie, elle est forte parce qu'elle est pure. Mais l'homme, au début, n'est pas capable et ne sait pas comment la contrôler, cette énergie-là, parce qu'il n'a pas commencé encore à l'utiliser. Et tant que l'homme n'utilise pas cette énergie-là, elle remplit sa caverne. Les échos disparaissent et il ne reste qu'un être humain, très froid, très dur en apparence, un être humain qui n'est pas capable de contrôler cette énergie-là et de plier cette énergie-là à son bénéfice personnel. C'est-à-dire un être humain qui n'est pas capable de l'utiliser pour des fins de vie pratique. Alors, automatiquement, cette énergie-là reste dans son mental et elle devient de plus en plus forte. Et le mental de l'homme, le mental supérieur de l'homme se construit et se construit. Et éventuellement, quand c'est le temps, à ce moment-là, cette énergie-là, elle coule en lui, elle se manifeste à travers de lui et l'être humain devient créatif et il ne souffre plus de l'énergie et automatiquement, sa personnalité qui a passé d'un stage humain personnifié à un stage de dépersonnification l'amène à un autre stage de repersonnification, mais où il y a équilibre entre les centres, de sorte que la personnalité dernière, le produit final de la descente de cette énergie-là dans la caverne de l'homme, le fait passer par des stages. Et le dernier stage, il est comme le premier, autrement dit, l'homme est plaisant, relax, communicant, mais avec cette différence, qui communique quand il veut, qu'il est plaisant quand il veut. Autrement dit, qui communique quand il peut, qu'il est plaisant quand il peut. Autrement dit, la personnalité future de l'homme n'est plus conditionnée par sa mémoire. Elle n'est plus conditionnée par ses émotions. Elle n'est plus conditionnée par tout le réseau d'écho en lui qui a créé la fausse personnalité. La personnalité future de l'homme, elle est le produit de la manufacture instantanée dans son être d'une condition quelconque voulue par l'intelligence, utilisant ses principes de vie. Et cette situation-là n'est pas facile pour l'homme parce qu'elle réfléchit une condition de vie qui, éventuellement, doit assujettir l'ego et le rendre canalisant. Tous les égos ne seront pas canalisants. Il y aura des égos sur la Terre qui se conscientiseront. Mais tous les égos ne seront pas canaux. C'est-à-dire que tous les égos ne seront pas réduits éventuellement à être dépersonnalisés complètement pour être repersonnalisés complètement. Et ces égos qui seront dépersonnalisés complètement pour être repersonnalisés plus tard, seront canaux. Et les hommes ou les femmes qui vivront cette expérience, qui reconnaîtront cette expérience, qui seront dans cette expérience, sauront qu'il en est ainsi. Le phénomène de l'écho dans le cerveau de l'homme est un phénomène qui atténue le pouvoir de l'énergie universelle sur le plan matériel. Ça l'atténue. C'est un buffer. Mais aussitôt que ces échos-là sont éliminés et que l'énergie rentre, surtout si elle force son entrée à l'intérieur de l'homme, à ce moment-là, éventuellement, l'ego doit servir de canal à cette énergie-là et l'homme entre éventuellement dans une autre sorte de vie, une vie qui correspond à lui-même, une vie qui correspond à son intelligence créative, une vie qui correspond à l'énergie de cette intelligence créative-là, mais néanmoins une vie qui est différente de celle des hommes sur la Terre. Non, il ne perd pas sa sensibilité, au contraire, elle augmente sa sensibilité, seulement elle augmente à un rythme plus grand que chez l'homme ordinaire, et elle devient éventuellement la mesure de sa capacité de contrôler cette énergie-là. Autrement dit, la sensibilité, c'est simplement le produit de la descente de cette énergie-là dans l'homme. Mais l'homme, lui, un jour, doit en arriver à ne plus souffrir de cette sensibilité-là. Et c'est à ce moment-là que l'homme établira un équilibre entre l'énergie qui entre en lui et l'énergie qui doit sortir de lui. C'est ça que j'appelle balancer ses vibrations. À un certain moment, l'énergie qui a... Toi, tu sais en électronique que quand tu mets de l'énergie dans un système, il faut qu'il sorte. Si tu mets de l'énergie dans un système et il ne sort pas, il brûle le système. Alors, c'est la même chose avec cette énergie-là. L'énergie, cette énergie-là, quand elle rentre dans l'homme, il faut qu'elle sorte. Elle ne peut plus rester là. Fait que si elle ne peut pas sortir tout de suite, parce qu'elle est empêchée de sortir, l'activité de l'homme grandit, grandit, grandit, grandit, grandit, grandit, grandit, puis éventuellement, l'homme, il saute. Puis quand il saute, elle part. Alors, pour qu'elle passe, il faut qu'il y ait... Pour qu'elle passe, il faut que la sensibilité ait amené l'homme à un point de réalisation de ce que j'appelle l'efficacité psychique. L'efficacité psychique, c'est la capacité à l'ego à un certain moment de sa vie, après avoir subi ce changement d'énergie-là. C'est la capacité de l'ego de réaliser la nécessité de transposer l'énergie en quelque chose de valable pour lui. L'énergie, elle peut pas rester de même dans sa tête. Un jour, faut qu'elle serve. Il faut qu'elle le serve lui, d'abord. Et comme elle est pure, elle sert les autres. Mais il faut qu'elle le serve lui. À un certain moment, l'ego est rempli, le mental est rempli de cette énergie-là, puis il n'est pas capable de s'en servir encore. Puis comment est-ce qu'il voudrait, il n'est pas capable. Ce qui va l'amener à se servir de cette énergie-là, c'est la crise. Et la crise, c'est le contact entre le supramental et le mental inférieur. Le contact final, le contact qui permet à l'homme de travailler avec l'énergie. Alors, tous les hommes ne vivront pas nécessairement la même expérience, parce que jamais deux hommes vivent la même expérience, mais le principe est universel, le principe est le même pour tous les hommes. Et la descente de l'énergie, la capacité au cerveau d'absorber cette énergie-là pour l'élimination des échos, ça dépend de chaque homme. Ça dépend de la capacité mentale de l'homme, ça dépend de la capacité émotionnelle de l'homme, ça dépend de la capacité physique de l'homme, son système nerveux. C'est évident qu'un homme qui n'a pas un système nerveux solide, qui n'a pas un émotif solide ou un mental solide, l'énergie qui va rentrer en lui, elle va être proportionnelle à son état. Mais plus il est fort, plus il va en avoir. Plus il est capable d'apprendre, plus il va en avoir. Et plus il va en avoir, plus il va être dans l'intelligence, plus il va être dans l'intelligence, plus il va se servir de l'énergie. Et automatiquement, plus son travail sur la Terre va avoir d'ampleur dans le monde. Parce qu'il y aura plus d'énergie, moins d'ego. Alors, le mécanisme. Ah, c'est bon que l'homme possède, bon, c'est normal à l'évolution, mais c'est bon que l'homme possède de l'écho dans son cerveau. Si l'homme n'avait pas d'écho dans son cerveau, il se ferait sauter à patate. Pour qu'un homme en arrive à pas avoir d'écho dans son cerveau, faut qu'il sache très bien ce qui se passe. S'il est fusionné et qu'il n'y a pas d'écho dans son cerveau, ça n'a pas d'importance de savoir ou pas savoir ce qui se passe, parce qu'il ne peut pas se détruire, il est fusionné. Mais quand tu n'es pas fusionné, puis tu n'as pas d'écho ou que tu t'en vas vers une diminution d'écho dans ton cerveau, il faut que quelqu'un te dise ce qui se passe. Là, je vous le dis. Si un jour, dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 15 ans, ou dans 2 ans, ou dans 1 an, vous en arrivez à plus avoir d'écho dans votre cerveau, c'est-à-dire avoir un cerveau qui est gelé, totalement gelé, où il n'y a plus de dualité, vous n'êtes plus intéressé à rien, c'est comme un état d'esprit, là, mais qui ne coule pas. Un état d'esprit qui est bloc, au lieu de couler. À ce moment-là, vous saurez qu'est-ce que c'est, puis c'est normal. C'est normal. Seulement, c'est pas parce que c'est normal que c'est pas top. Alors, quand je dis que l'homme, naturellement, est un être chaleureux, je veux pas dire que l'homme, éventuellement, va demeurer chaleureux. Un homme peut être extrêmement chaleureux et un jour perdre complètement sa chaleur. Pour un jour plus tard recouvrir sa chaleur. Mais, sous une autre forme, dans une autre condition. Comme moi, j'étais un homme chaleureux. J'étais un homme chaleureux avant la fusion. Pendant la fusion, j'ai perdu toute chaleur. Puis après, quand le travail était fini, j'ai recouvert ma chaleur. Mais ma chaleur est là quand je n'ai de besoin, comme le froid peut être là quand je n'ai de besoin. C'est comme ça que l'homme change. Tandis qu'avant, la chaleur qu'on a, c'est la chaleur de l'ego. C'est la chaleur, c'est le produit de l'écho dans notre tête. C'est une fausse chaleur. C'est une chaleur qui est proportionnelle à notre émotivité. C'est pas une vraie chaleur. C'est une bonne chaleur. Mais c'est pas une vraie chaleur. C'est une chaleur qui peut nous servir ou qui peut nous nuire. C'est une chaleur qu'on subit. C'est une chaleur qui est le produit de ces échos-là. C'est la chaleur de la fausse personnalité, de la vieille personnalité. Mais demain, quand on recouvre notre chaleur, qui est toujours l'équilibre entre les corps, parce que la chaleur, c'est le produit de l'équilibre entre mental, émotionnel et vital. On recouvre notre chaleur, mais c'est une chaleur qui, à ce moment-là, est toujours sous le regard de l'intelligence. Fait que s'il faut que tu sois chaleureux, chaleureux, s'il faut que tu sois froid, tranchant, t'es froid, tranchant. Mais à ce moment-là, ça fait partie de ta nouvelle personnalité, ça fait partie de ton travail, de ton activité, ça fait partie de ce que tu dois être dans un monde où tu dois faire un certain travail. Mais remarquez bien que je dis que pas tous les hommes vivront un nettoyage à sec. Pas tous les hommes se verront complètement nettoyés de l'écho dans leur tête. Il restera suffisamment d'écho pour que la personnalité soit suffisamment reconnaissable. Mais il y en a qui vivront un changement radical de leur personnalité et automatiquement, ils se verront nettoyés de l'écho dans la tête. Et quand tu n'as plus d'écho dans la tête, tu ne te sens plus humain. Tu ne te sens plus comme t'étais avant. Tu ne te sens plus comme t'étais avant. Et moins il y a d'écho dans ta tête, moins tu te sens comme t'étais avant. Fait qu'éventuellement, t'es plus comme t'étais avant. Fait qu'à ce moment-là, ta belle-mère, elle te reconnaît. Mais éventuellement, il faut que ta belle-mère te reconnaisse. Ça, c'est le discernement. Éventuellement, il faut que t'en arrives à ne pas être comme t'étais avant. Mais que personne ne le sache. Mais ça, ça t'est donné dans le temps. Au fur et à mesure que tu en arrives à contrôler cette énergie énorme-là dans ta caverne. Le phénomène d'être chaleureux chez l'homme, c'est un phénomène extrêmement intéressant. Et c'est un phénomène qui nous impose éventuellement une revision. Parce que si l'homme est chaleureux à cause des échos dans son cerveau, qui forment sa personnalité, qui Il est trop probable, quel que soit son niveau d'évolution, que sa chaleur humaine sera une couverture pour quelque chose d'autre qu'il n'a jamais connu et qui peut lui créer une certaine crainte, une certaine inquiétude, like, dans le sens que où est-ce que ça mène ça? Quand t'es habitué à être chaleureux, pis être normal, puis convivial pendant des années, puis tout d'un coup tu ne l'es plus, personne te reconnaît. À ce moment-là, il se produit dans l'homme une sorte de question. C'est pas une question intellectuelle. C'est une question qui est floue, mais qui fait partie de son esprit qui regarde son infinité. Et quand l'esprit de l'homme commence à regarder son infinité, à ce moment-là, l'homme doit petit à petit s'habituer à ce regard. Et c'est ça que peu d'hommes peuvent vivre. Peu d'hommes peuvent vivre le regard de leur esprit qui regarde son infinité. C'est pour ça d'ailleurs que je dis que peu d'hommes, dans un même temps, connaîtront cet état-là. Parce que rendu à ce point-là, tu n'existes plus. Tu n'existes plus. Et plus les échos disparaissent de ton cerveau, moins tu existes. Puis tu en arrives à un point où tu n'existes plus pantoute. Puis quand tu n'existes plus pantoute, tu n'as plus la mémoire de l'explication de la raison pour laquelle tu es comme tu es. Donc, automatiquement, tu perds la capacité de penser. Pourquoi tu es comme tu es, et automatiquement, tu es obligé de subir l'état dans lequel tu es, et automatiquement, ça augmente ta sensibilité, puis un jour, tu pètes ta caverne. Tu pètes les murs de ta caverne. Tu pètes tout dans ta caverne, tu fais tout sauter. Puis quand tu fais tout sauter, tu mets le cosmique, tu descends le cosmique sur le plan matériel. Comme on dirait en anglais, you put the cosmic on the line. Quand tu es arrivé à mettre le cosmic on the line, tu es toi-même universel. Tu te fais chier par personne, sur aucun plan cosmique, astral, mental, voilà. T'es dans ton intelligence, c'est clair. Ton intelligence, ça devient un feu, puis ça travaille. La chaleur humaine, la chaleur que possède une personnalité, c'est toujours une chaleur contrôlée. La preuve, c'est que vous avez des fois des gens qui ont une sorte de chaleur humaine. Tu les connais pendant des années, ils ont une chaleur humaine. Puis un jour, il arrive quelque chose. Puis ils deviennent froids. Il y a un renversement de la chaleur humaine. Puis tu les reconnais plus pantoute. Des vrais enragés. Tu peux pas croire que ta mère, qui était douce, puis qui était fine, puis que c'était un vrai nounou, puis un vrai toutou pendant des années. Puis un jour, elle te crisse le bonhomme à la porte. Avec le rouleau à pompe. C'est totalement comme une contradiction en terre. Tu ne seras jamais imaginé. Et la chaleur humaine, elle est contrôlée à la fois par les échos dans le cerveau, autrement dit, par la conscience astrale, par la mémoire de l'homme, par tout ce qui détermine son tempérament, son caractère, mais il y a aussi la chaleur humaine contrôlée par l'énergie cosmique dans l'homme. Et lorsque l'homme vit un changement à partir de cette énergie en lui, la chaleur humaine, elle disparaît, mais et elle ne revient jamais comme elle était avant. L'homme n'est jamais plus ce qu'il a été avant. Il est autre chose. Éventuellement, il s'ajuste, il retourne, il redécouvre une chaleur, mais c'est pas la même qu'avant. C'est pas la même qu'avant. Je vous donne une explication générale et universelle de l'évolution de l'homme. Je ne vous dis pas que chaque individu vivra cette situation. Les échos que l'homme connaît ou que l'homme vit dans son cerveau, qui sont manifestés en tant que pensée subjective et tout le troll-là, ces échos-là ont une facette qui doit être exploré. Tant qu'un homme subit les échos inconsciemment, et que ces échos-là sont de la pensée subjective, ça rentre. Mais quand un homme, à cause d'une sensibilité ou un débalancement quelconque du corps astral, entretient ces échos-là volontairement dans sa tête, il se met en danger de vie mentale. Il se met en danger de vie mentale parce que si jamais dans sa vie, il subissait un choc quelconque, il n'aurait pas suffisamment d'énergie émotionnelle pour contrecarrer le jeu que ces échos-là peuvent produire dans son mental. Autrement dit, si un homme est en connexion amusante avec l'astral, si, parce qu'il y a des gens qui sont en communication avec l'astral, dans un sens qu'ils sont très conscients, qu'ils entendent du monde parler dans leur tête quelque part, puis ça rit, puis ça a du fun. Je vous donne des exemples graphiques, là, il y en a toutes sortes, là, de ça. Et lorsque ces gens-là ont un choc émotionnel, l'énergie qu'ils ont utilisée pour entretenir ces échos-là, ils l'ont. Parce que quand t'as un choc émotionnel, ça te met à battre à terre. Et comme t'as plus l'énergie pour entretenir émotivement ces communications-là, il y a un renversement qui se fait. C'est là que l'homme tombe en dépression. Que la possession peut prendre place. Que, au lieu que le mouvement soit de l'homme à l'astral, pour son propre plaisir inconscient, ça devient de l'astral à l'homme pour avilir et descendre sa conscience pour l'amener éventuellement au suicide. C'est pourquoi dans le phénomène de la communication entre l'homme, surtout dans le cadre d'une instruction neuve, dans le phénomène de communication entre l'homme et l'intelligence, l'homme peut faire de la communication, mais il faut que l'homme sache que la communication qu'il fait est sous son contrôle à lui. Dans ce sens qu'il faut que l'homme réalise que la communication qu'il fait avec les circuits intérieurs de son cerveau soit une communication qui est de plus en plus intelligente. Une communication qui lui sert, pas simplement une communication avec laquelle il peut jouer pour le bénéfice de son ego. Je sais pas si je me fais clair là, quand je dis ça. Ça se comprend-tu ce que je dis? Comprenez-vous ce que je dis? Ça se comprend. Parce que moi, je comprends pas ce que je dis. Là. Je vous le dis, là. Quand je comprends pas ce que je veux dire, quand je comprends pas ce que je vous dis, c'est parce qu'il faut que j'aille plus loin pour l'expliquer. Quand tu poses des questions, je réponds. Quand vous posez des questions, là, vous avez une réponse, là, faut que vous fassiez attention à la réponse que vous avez. Parce que la réponse que vous avez n'est pas nécessairement une réponse qui vous sert. Ça peut être une réponse qui sert l'astral contre vous, mais à votre insu. Parce que vous n'êtes pas suffisamment dans votre intelligence pour réaliser instantanément que la réponse que vous recevez, c'est pas ça. Autrement dit, quand vous recevez une réponse, quand vous communiquez avec les autres clans et qu'on vous répond, il devrait y avoir en vous, en même temps, une vibration qui vous laisse savoir si la réponse, c'est ça ou si c'est pas ça, ou si elle est conditionnelle. C'est pour ça que dans mes séminaires, j'établis tellement le principe de ne pas croire. Parce que je sais ce qui se passe après, aux les années qui viennent. Le phénomène de croire, c'est un phénomène qui permet aux échos dans notre cerveau de se maintenir en place. Ce qui nous crée, nous autres, une sécurité. Mais la sécurité que ça nous crée, ça peut être une sécurité réelle ou ça peut être une fausse sécurité. Ça va être une sécurité réelle s'il y a continuité dans l'équilibre de l'écho. Mais si un jour il y a un déséquilibre dans l'écho, à ce moment-là, il n'y a plus de sécurité. À ce moment-là, tu dis à toi-même, « Bon, mais je m'ai fait jouer un tour. » Je vous donne un exemple. Les exemples sont toujours bons. Prenons Moïse dans le Nord, OK? Qui se fait dire dans son cerveau que va à la fin du mois au mois de février. Va-t'en dans le Nord, là, puis amène-toi du monde, là. Ça va sauter au mois de février. Fait que Moïse, il entend ça dans son cerveau, puis Moïse, il croit à ce qu'il entend. Parce qu'il il sait pas. Il n'a pas l'expérience ou il ne sait pas. Il ne voit pas autrement. Fait qu'à ce moment-là, il se crée dans son cerveau un écho qui se stabilise. Et cette écho-là qui se stabilise devient éventuellement partie de la psychologie de Moïse. Ça crée la psychologie de Moïse. Tout d'un coup, le 22 février, le monde ne saute pas. Là, il y a un déséquilibre dans l'écho de Moïse. Moïse dit, comment ça, Christ, t'es supposé de sauter, puis ça n'a pas sauté. Là, Moïse, il est focus. Là, il se crée un autre écho dans l'idée de Moïse. Puis l'écho qui revient, ça dit à Moïse, les plans de Dieu sont cachés. Ça, c'est un autre écho. Là, Moïse, il se fait enculer encore bien plus. Là, c'est plein de l'information qui relève de la destruction du monde au 22 février. Là, c'est Dieu qui est rendu cachetier. Fait que Moïse est rendu à ce point-là, mais il est plus capable de rien faire. Là, il ferme sa gueule, là. Là, il s'enlise de plus en plus dans cet écho-là, autrement dit, dans cette nouvelle personnalité-là. Puis éventuellement, cette personnalité-là ne peut l'amener dans un fanatisme au bout. Parce que s'il y a un déséquilibre dans l'écho, il y a un autre écho qui va venir pour créer un autre équilibre. Si quelqu'un comme moi qui arrive, par exemple, qui dit Moïse, voyons, là, comme je peux parler, à ce moment-là, il y a un autre écho qui va rentrer dans la tête de Moïse, puis l'écho va dire, lui, c'est un imposteur. Là, Moïse va dire, c'est un imposteur, c'est le Bernard Montréal-là. Fait que là, il continue dans sa marque. Puis c'est le même que ça continue. Fait que c'est pour ça que, quand je dis que nous autres, les hommes, on doit en arriver un jour à sortir de notre psychologisme pour rentrer dans notre psychisme, ça veut dire qu'on doit en arriver un jour à être capable de sentir l'équivoque de l'équilibre des échos. L'équivoque étant le fait que dans un écho, il n'y a pas de vérité et que l'équilibre créé par l'écho dans notre tête qui devient le matériel qu'on accepte comme des beaux niaiseux, là, que cet équilibre-là fait partie de notre émotivité. Que c'est notre émotivité qui permet que c'est... C'est pour ça qu'il y aura des gens parmi vous qui, un jour, vont subir la pénétration de l'énergie dans leur caverne, là, puis tous les maudits échos vont sauter. Là, vous allez avoir le cerveau gelé. Là, vous allez devenir froid. Là, il n'y a rien qui va vous intéresser. Il n'y a rien. Même ce que je vous dis, ça ne vous intéressera pas. Seulement, vous n'auriez pas le choix de m'écouter. Ça ne vous intéressera pas, mais vous n'aurez pas le choix de m'écouter parce que ça ne vous intéressera pas parce que vous ne serez pas intéressé à la vérité ou au mensonge de ce que je dis. Mais vous n'aurez pas le choix de m'écouter parce qu'il n'y a personne autre que moi qui peut vous parler comme moi je vous parle. Fait qu'automatiquement, là, je vais faire rentrer, descendre sur le plan matériel suffisamment d'informations pour que vous autres, dans votre état de gelé, vous puissiez lentement dégeler. Comment ça? Autrement dit, en me parlant ou en m'écoutant ou quelque part, dans une relation quelconque, que ce soit direct, astral, éthérique ou quelque part, dans le temps, quelque part, quand vous allez être gelé, vous autres dégeler, ça, moi je vais vous dégeler, parce qu'il y a moi qui peux vous dégeler. Une fois que vous êtes rendu à ce point-là. Une fois que vous êtes rendu au point où l'écho est totalement détruite dans votre cerveau, que vous êtes dans l'énergie, puis que là vous êtes gelé, il y a un mot qui peut vous dégeler. Fait que là, je vous dégèlerai dans les années qui viendront. Facile pour moi de vous dégeler, je viens de vous parler. Mais en attendant, vous allez vivre le gelé. Puis vos amis vont vivre votre état de gelé, puis automatiquement, cet état de gelé-là, cet état haut qui vous fait passer d'une personnalité à une autre, ça va vous amener éventuellement à totalement neutraliser toute chaleur mentale. Neutraliser la chaleur mentale, ça veut dire être mental. Parce que tu ne peux pas être dans l'intelligence si tu as de la chaleur humaine. C'est impossible. Tu ne peux pas être dans l'intelligence si tu as de la chaleur humaine. Parce que la chaleur humaine, ça fait partie de l'expérience, de la conscience humaine, animale, émotive. Le mental, c'est une énergie qui est froide et qui devient chaude quand le travail est fini. Quand tu as fini de t'en servir de cette énergie-là. Quand cette énergie-là a fini de canaliser, à ce moment-là, tu retournes à une chaleur humaine. Tu peux pas toujours être dans le froid. Mais pour la vivre, cette énergie-là, faut que tu en arrives éventuellement à plus avoir de chaleur humaine. Ça veut dire ne plus avoir de fausses émotions qui entretiennent en toi tes échos, qui te permettent en toi d'entretenir des pensées subjectives de toutes les sortes, même s'ils sont bien fines, sont bien bonnes, sont bien hautes en vibration, pour qu'un jour, tu n'en aies plus pantoute de ça. Tu es dans l'intelligence. Quand je disais que la réponse, c'est pas vous autres qui la posiez, puis que la question, c'est pas vous autres qui la posiez, je disais deux choses. Je disais qu'un jour, vous comprendrez que l'écho dans votre tête vous permet d'avoir l'impression que la question, vous la posez, ou que la réponse, elle vient de vous. Quand vous commencez à être conscientisé, l'écho dans votre tête commence à vous faire réaliser que la réponse vient pas de vous, mais que la question vient de vous. Puis plus tard, l'écho dans votre tête vous permet de réaliser que ni la question, ni la réponse vient de vous. Puis ensuite, plus tard, l'écho dans votre tête, quand elle est bien, bien raffinée, l'écho dans votre tête, là, à ce moment-là, elle vous fait réaliser que rien vient de vous, que vous n'êtes rien. Ça veut dire que, à ce moment-là, vous avez plus de réflexion. Puis quand vous n'avez plus de réflexion, vous êtes complet. Vous êtes vide, plein. T'es complet. Alors, ce qui est en haut est en bas, l'homme est complété, l'homme est total. C'est à ce temps-là, l'homme va vers la complétion. Et comme il va vers la complétion, il a besoin d'un certain support temporaire au fur et à mesure qu'il avance. Et ce support-là, bon, c'est le jeu des échos dans votre tête. Qui vous donne la pensée. Je vais vous en parler de l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée, ça fait partie d'un autre écho. Je vous ai déjà dit que plus j'avance dans le temps, plus je détruis tout ce que je vous dis. C'est normal. Si je vais vous éduquer, si je vais vous donner une instruction au cours des années, au cours des générations, je suis obligé de vous faire avancer, ensuite retrancher pour vous faire avancer. Je ne peux pas vous amener de point 0 à point 60. Alors, je vous fais avancer. Fait que je vous dis quelque chose, puis je le détruis. Je vous dis quelque chose, je le détruis. Moi, ma fonction sans terre, c'est de détruire tout ce que je crée. C'est la matérielle. Pour vous amener, vous autres, à pu avoir dans votre tête d'écho. Fait qu'à ce moment-là, quand vous n'avez plus d'écho, c'est facile de comprendre ce que je dis parce que vous ne vous attachez plus à ce que je dis. Fait que quand vous ne vous attachez plus à ce que je dis, ça ne vous intéresse plus ce que je dis. Puis quand ça ne vous intéresse plus ce que je dis, c'est à partir de ce moment-là que tout ce que je dis, c'est important. Tant que ça vous intéresse ce que je dis, c'est pas important. Parce que tant que vous intéressez à ce que je dis, c'est l'écho dans votre tête qui vous permet de vous lier plus ou moins à ce que je dis. Il y a toujours, vous sentez du vrai ou du bon sens dans ce que je dis, ou vous sentez de la contradiction ou l'opposé dans ce que je dis. Alors, il y a toujours l'ego, là. Mais quand vous aurez la tête vide, vous serez plus intéressé à ce que je dis. Vous entendrez ce que je dis, vous comprendrez ce que je dis, non pas en fonction de l'écho dans votre tête, mais en fonction de votre propre intelligence. Mais tant que vous êtes intéressé à ce que je dis, vous trouvez ça le fun, ce que je dis, c'est parce que vous avez de l'intérêt à ce que je dis. Puis si vous avez de l'intérêt à ce que je dis, c'est parce qu'il y a encore trop d'écho dans votre tête, puis ça nourrit votre écho dans votre tête. Fait que si je vous dis quelque chose qui est le fun, bien ça nourrit votre écho dans votre tête. Imagine-toi un gars qui s'intéresse à l'ésotérisme puis qui aime ça, les grandes questions philosophiques, puis qui aime ça parler du cosmos puis du cosmos, puis je parle du cosmos puis du cosmos. Mais c'est évident que c'est le fun, écoutez Bernard, il nous parle du cosmos puis du cosmos. Mais si un jour, je l'amène à d'autres choses, là, il n'y a plus le même, il n'y a plus la même affaire. Parce que là, je n'intéresse plus son émotion. Fait qu'il ne se crée plus les échos dans sa tête qui est habitué, qui sont la fondation de son ancienne personnalité. Ouais. Fait que ce qui est important pour vous autres, c'est d'écouter ce que je dis, mais de ne pas être intéressé à ce que je dis. Mais vous ne pouvez pas ne pas être intéressé à ce que je dis à un certain instant. C'est plus tard que vous ne serez pas intéressé à ce que je dis. Mais quand vous ne serez plus intéressé à ce que je dis plus tard, c'est parce que vous êtes dans un autre état mental. qui va vous permettre de comprendre instantanément ce que je dis. C'est comme vous autres, quand vous me parlez, je ne suis pas intéressé à ce que vous me dites. Je le comprends. Pour que je sois intéressé, pour que je mette de l'intérêt dans ce que vous dites, il faudrait que moi, je ne le comprenne pas, que j'essaie de le comprendre. Il faudrait que j'avance dans ma compréhension. Mais si vous me dites quelque chose que je comprends instantanément, je ne peux pas être intéressé à ce que vous me dites. Je l'écoute par respect pour vous autres. Vous avez l'impression, parce que je vous écoute avec des grands yeux, des grandes oreilles, que je suis intéressé à ce que vous dites. Mais je ne suis pas intéressé. La preuve, c'est que je ne comprends pas ce que vous me dites. Mais je peux expliquer ce que vous me dites. Si ça arrive, tu m'expliques tes rêves. Si j'ai un rêve, viens, je ne suis pas intéressé à ton rêve, moi. Mais je peux te dire ton rêve, c'est telle chose, telle chose, telle chose. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas intéressé à ton rêve. Parce que quand tu es dans ton intelligence, tu n'es pas intéressé à rien. C'est la qualité même de l'intelligence de ne pas être intéressé à rien. C'est la qualité des... comment ça veut dire? Des échos dans ta tête d'être intéressé à quelque chose. C'est l'écho dans la tête de l'homme qui crée de l'intérêt. Si l'homme n'a pas d'écho dans ta tête, dans sa tête, tu ne seras pas intéressé. Puis un des grands signes de l'homme qui rentre dans la conscience cosmique, c'est qu'il n'est pas intéressé à rien. Parce que moi, il n'y a plus d'écho. Quand l'homme rentre dans son état de crise, là, il commence à s'auto-orienter. Il se concentrique. Il se centrifie. Il devient plus centré. Ça n'empêche pas de donner aux autres l'impression que... Mais lui... Moi, je peux avoir une conversation bien longue de 2 heures avec mon boulanger, mais je ne suis pas intéressé. Mais je fais parce que je prends en considération le boulanger. Il m'a dit, comment tu fais ça du pain, Jean-Paul? Il va-tu m'expliquer ça pendant 2 heures? Il va m'en mettre le pain, il va monter de main. Ou j'aurais pu y expliquer en 2 minutes. Quoi? C'est de la résistance. Sans ça, tu vis d'une tour d'ivoire. C'est ça de la résistance. C'est le contrôle de l'énergie. Non, t'en perds pas d'énergie. Seulement que quand c'est assez, là, tu t'en vas. T'endors. Après ça, tu t'en vas. Moi, si j'écoute le boulanger qui m'explique son pain, je donne de l'énergie. Mais à un certain moment, j'arrête. Là, c'est. Quand tu dis que tu retrouves ton énergie, ta chaleur humaine, ça fait partie de ça. Ce que je viens de te dire, là. C'est ça, mais quand tu t'en vas, là, quand t'es justement dans ton intelligence, t'es pas obligé de donner un choc. Tu fais tellement d'une façon intelligente. C'est ça. Ça ne parle pas. C'est ça. C'est ça, parce que si t'es pas intéressé à rien parce que t'es dans ton intelligence, ben à ce moment-là, t'es obligé de créer des impressions comme si t'étais intéressé à quelque chose. Sans ça, il n'y aurait plus de relation entre toi et les hommes. Ça serait un manque d'intelligence. C'est ça que tu peux dire. Tu retrouves, c'est ça que je disais tout à l'heure, tu retrouves une chaleur humaine. Moi, j'ai retrouvé une chaleur humaine. Je suis pas allé jouer au golf avec quelqu'un. Ce que je pouvais pas faire.